elle va agir, l'énergie. Elle va se servir de tes corps pour agir, mais dans son temps et non dans le tien. Fait que tu peux savoir que le pot de fleurs, il va là, mais tu peux pas le mettre là, c'est pas le temps. Puis là, le temps vient parce que la tension est là, pardon, la tension est là, puis éventuellement, tu te places là. Travailler, éventuellement, bon, vivre de l'énergie, ça veut dire, plus tu vis de l'énergie, moins tu es impliqué dans l'action. Plus tu vis de l'énergie, moins tu es impliqué dans l'action, parce que moins tu es passionné. Alors, automatiquement, c'est l'énergie qui dirige tes mouvements à tous les niveaux, que tu sois écrivain, que tu écrives des lettres. C'est l'énergie qui... C'est dire, bon, mais c'est assez, là, on arrête. Bah. Tu peux pas aller plus loin. C'est toujours l'énergie qui dirige. Au niveau émotionnel, ça change. Au niveau vital, ça change. C'est pour ça qu'éventuellement, quand vous fonctionnez dans le temps de l'énergie, mais effectivement, vos principes ne s'usent pas aussi rapidement, et vous vieillissez très, très, très, très, très, très lentement. Puis vous êtes pas malade, ainsi de suite. Alors, on apprend à vivre avec cette énergie. Cette énergie peut se manifester en nous de plusieurs voies, par exemple, en même temps, par plusieurs façons, en même temps, simultanément. On peut se sentir tiraillé entre deux ou trois choses qu'on devrait faire en même temps. C'est parce que l'énergie n'est pas stabilisée. Quand vous êtes tiraillé par deux ou trois affaires, c'est parce que l'énergie n'est pas stabilisée. Quand l'énergie est stabilisée, c'est comme un laser. C'est une chose, c'est une track. Tu deviens réellement one track mind. Elle ne se divise jamais l'énergie quand tu es conscientisé. Ça va pas de même, puis de même. C'est là, puis c'est final. Tu vis toujours dans cette conscience-là, puis ça devient très présent, puis très présent. Tu peux pas en sortir. Il n'y a pas de passion en toi qui peut te faire sortir de son rayonnement. C'est un rayon, l'énergie. Ah, le rayon, il vibre, puis il rentre dans tes corps, puis il fait vibrer tes corps, puis toi, tu t'actives sur le plan humain. Et si tes corps sont ajustés au rayon, tu agis selon la vibration du rayon, tu n'agis jamais selon la coloration du rayon dans tes corps, parce que tu es conscientisé. Fait que c'est là, c'est à ce moment-là que la vie devient très, très, très, très, très, très, très, très facile. Mais d'ici à ce temps-là, la vie peut être un peu plus difficile, et ça dépend du tempérament, puis du caractère de chacun. Moi, je leur ai dit hier, j'ai dit, ben oui, la passion, c'est... Si l'homme n'avait pas, je leur parle des fois parce que je sais qu'ils vont me donner un contre-argument, ils ont toujours la réponse à tout, eux autres. Mais j'ai dit, si l'homme n'avait pas eu de passion, il n'y aurait pas eu de civilisation, il n'y aurait pas eu d'art, il n'y aurait pas eu d'architecture, il n'y aurait pas eu de ci. Ils disent, le point n'est pas là. Le point, c'est que demain, l'homme n'aura pas, puis il y aura une autre civilisation, puis un autre niveau d'art. Si tu veux faire avec eux autres, ça s'arrête là. Parce que nous autres, on a toujours la tendance à rationaliser le meilleur de notre vie, le meilleur de l'humanité, le meilleur de ce que l'homme a créé. Puis les autres, ils disent, le point n'est pas là. Quand l'homme se servira de son corps mononciel pour créer, à ce moment-là, la civilisation qu'on connaît aujourd'hui, ça va être dans les musées, cette affaire-là. Et pour que l'homme vive à ce niveau-là, mais il faut que les conditions de sa vie soient totalement altérées, et il faut que la passion soit totalement détruite chez l'homme. Ça, je parle chez l'homme conscient. Il y a un phénomène qui se produit quand tu as 60 ans, puis tu te fais dire que la passion, que ça tombe à l'eau, ainsi de suite. Ça te dérange pas, tu t'en restes plus gros, anyway. Mais quand tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, puis tu es dans la fleur de l'art, puis tu te fais dire que la passion... Excusez, je suis marronné de même. Les Arabes sont pas polis. Mais, ça veut dire qu'il y a une différente politesse. Qu'est-ce que je disais, là? Quand t'as 20 ans, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ils disent que la passion, ils disent de ne pas vous énerver avec l'affaire de la passion parce que ça se passe pas comme vous pensez, Noé. Mais vous allez savoir qu'est-ce que c'est, Noé. Parce que notre conscience humaine, notre conscience planétaire est totalement liée avec cette affaire de passion-là. Y en a-tu qui faisaient du gogo avant puis ils en font plus de gogo? T'en avais? C'est normal. T'en fais plus? Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ils sont faits de rien. Des fois, ça vient plate en maudit, hein? C'est ça que c'est. Puis quand c'est plate comme ça, là, c'est quand ils font le travail sur le corps astral. Parce que je vais vous dire une chose. L'intelligence créative, c'est très puissant. Puis, mais ils sont slow en maudit avant de le faire passer. Ils sont slow. C'est pour ça que je dis au monde, ce que vous avez, ne perdez-les pas. Si vous avez des jobs que vous aimez, perdez-les pas. Si vous avez ce que vous avez acquis depuis des années, perdez-les pas. Partez pas dans la ballonne spirituelle. Perdez-les pas, ce que vous avez. Parce que ce que vous avez, ça sera le médium à travers lequel l'énergie créative se manifestera. Mais on peut ne pas être capable de fonctionner pour un certain temps dans ce qu'on aimait avant. Oui. Oui. Ça passe. Oui. Ça passe, ça se tasse. Ouais. On aurait tendance à confondre la passion et l'énergie créative. Bon, la passion, ça rien. L'énergie créative, ça n'a rien à faire avec la passion. Il n'y a rien de créatif dans la passion. Il n'y a rien de créatif dans la passion. La créativité de l'homme, ce qu'on appelle la créativité de l'homme sur la Terre, c'est une partie d'elle-même qui passe dans le corps mental de l'homme, et qu'on appelle la créativité. Si on voyait, il y en a qui ont eu des expériences dans les hauts plans de l'astral, qui ont vu les hauts plans de l'astral, puis qui ont vu la grande beauté de ces plans-là. Imaginez-vous dans le monde mental comment ce que c'est. La créativité de l'intelligence cosmique dans l'homme, quand l'homme est réellement... Il est ajusté à cette énergie-là. Puis ce qu'on connaît, nous autres, comme ça adhère, comme créativité, c'est la petite bière. La petite bière. Mais cette énergie-là descend dans tous les plans de l'homme, jusque sur le plan matériel. Puis c'est ça qui permet à l'homme... C'est l'énergie cosmique qui a fait avancer l'humanité. Ça, c'est comme l'évolution de l'homme. L'évolution de l'homme, l'homme lui-même que les anthropologues... essaie de cataloguer l'homme que les anthropologues découvrent comme ayant 1 million ou 15 millions d'années sur Terre. C'est pas l'homme, ça. Il y en a un qui me demandait l'autre fois, l'homme, il vient-tu du singe? Qu'est-ce que c'est la situation? J'ai dit, l'homme, il vient pas du singe, seulement que le corps matériel du singe a servi jusqu'à un certain moment, puis à un certain moment, le corps éthérique de l'homme est rentré dedans, puis quand le corps éthérique de l'homme est rentré dans la forme matérielle du singe, les vibrations de cet être-là ont changé, et ça a donné naissance à l'homme primitif. Comment vous voulez dire? Puis quand l'homme primitif a évolué jusqu'à un certain point, jusqu'au stage du Néandertal, à ce moment-là, il y a eu contact entre les extraterrestres et l'homme, puis ça change encore. Puis c'est là qu'on a eu l'homme racial. Et quand les extraterrestres ont fait contact avec l'homme, je déteste le mot extraterrestre, maudit que je le déteste. Moi. Mais quand les êtres plus évolués ont fait contact avec l'homme, à ce stage d'évolution-là, à ce moment-là, son esprit a commencé à se développer plus rapidement, et c'est ça qui a donné naissance à la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Tandis que l'homme primitif, dans lequel le corps éthérique de la forme humaine avait pénétré au début dans la forme simienne, qui a donné naissance à l'homme primitif, qui a évolué pendant des millions d'années, cet homme primitif-là, on en retrouve encore des exemplaires dans le monde aujourd'hui qu'on appelle le Yeti, qu'on appelle l'homme de Shasta. L'homme de Shasta et le Yeti, ce sont des hommes primitifs. Ce sont des êtres primitifs, mais qui n'ont pas le pouvoir de développer une civilisation. Parce que pour développer une civilisation, ça prend une certaine vibration dans le mental. Et pour recevoir cette vibration dans le mental, il faut que cette vibration-là soit donnée par une civilisation qui est déjà évoluée à ce niveau-là. Et ce sont les civilisations qui viennent des autres plans. Alors, dans l'évolution de l'homme, il y a eu trois segments. Il y a eu le simien, il y a eu l'introduction du corps éthérique, de la forme éthérique qui avait été créée par eux autres en haut, qui est descendue dans le corps du simien, qui a changé la ligne d'évolution du simien, qui a créé l'évolution éventuelle de l'homme primitif à partir de l'Australopithèque, puis l'homme de Pékin, puis Néandertal, puis Cro-Magnon, jusqu'à Néandertal. Puis ensuite, il y a eu un contact encore au niveau de Adam et Ève, là. Il y a eu un contact encore entre les extraterrestres et ce type d'homme-là qui était un petit peu plus avancé au niveau physique, parce qu'il avait déjà une posture droite. Et c'est de cet homme-là que vient l'homme racial, le noir, le jaune, le blanc, puis l'indien. Alors, au cours de la sixième race, la même chose, il y aura une autre impulsion donnée à l'homme et l'homme passera du stage animal à stage de l'homme au stage du surhomme. C'est cette impulsion-là qui commence à rentrer dans vous autres et qui vous amène à être supramental et à perdre les qualités vibratoires et psychologiques et philosophiques de l'homme ancien. Comme l'homme racial a perdu les qualités de l'homme primitif, l'homme de la sixième race perdra toutes les qualités de l'homme racial de la cinquième race. Parce qu'on s'en va vers l'évolution de la galaxie et vers le contact entre l'homme et les civilisations extrêmement avancées de la galaxie qui ont énormément évolué sur le plan de l'énergie et qui sont approximativement 20 à 25 000 ans en avance en science sur l'homme. Et au-dessus de ça, au-dessus de ces êtres-là, bien, il y a ce qu'on appelle, nous autres, les ajusteurs de pensée, puis toute la gamme extraordinaire de ces êtres prépersonnalisés, ça, qui font partie de la lumière, qui font partie de l'intelligence, qui font partie de la volonté, qui font partie des principes cosmiques, qui font partie des mondes de la lumière, qui ont donné naissance à toutes les formes éventuelles. Ce sont ces êtres-là qui maintiennent les systèmes planétaires en évolution. Alors, l'homme reçoit une impulsion, puis l'impulsion descend présentement sur la Terre. C'est ça qu'on appelle la conscience supramentale. Et quand un segment d'humanité, quand une race nouvelle est créée sur une planète, effectivement, cette race-là ne peut plus vivre, ne peut plus évoluer, ne peut plus s'attribuer des valeurs psychologiques qui convenaient à la race antérieure. C'est normal. Alors, c'est ça, je dis tout le temps, vous êtes obligé de parler de quelque chose pour gagner d'autres choses, puis il y a une chose que l'humanité doit perdre, l'humanité qui se conscientise ou qui va vers ça, c'est la passion. Et autant la passion est nécessaire pour l'homme inconscient, autant la passion est absolument sans importance pour l'homme conscient. Parce qu'il fonctionne à un autre niveau vibratoire. Il fonctionne au niveau du supramental, qui est une condition de l'énergie créée par la démolition de son mental inférieur et de son astral inférieur, qui retarde la pénétration de la lumière parce que cette énergie-là est trop puissante pour être absorbé dans ces corps-là. Alors, automatiquement, quand elle passe, il y a un changement qui se fait, et ce qui donne naissance à la conscience supramentale sur la Terre. C'est pour ça que la conscientisation de l'homme, c'est un phénomène d'énergie, c'est pas un phénomène d'attitude. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, dans le monde qui sont prêts à ça. Ils l'ont, cette affaire-là. Ce qu'on fait, nous autres, probablement, dans la province de Québec, c'est qu'on établit une base pour la compréhension parfaite de ce phénomène-là, ce qui se fait pas dans le monde. C'est ça qu'on fait dans la province de Québec. Mais dans le monde entier, il y a des gens qui l'ont, ce contact-là, avec ce rayonnement-là, et ils te rencontrent, puis ils comprennent. Ils savent exactement ce qu'il y en est. Mais il n'y a pas d'endroit dans le monde qui explique la mécanique de ça. D'une façon aussi désengagée de la passion de l'homme. Que ce soit une passion philosophique ou une passion ésotérique ou une passion... n'importe quoi. Il n'y a pas de passion. Je suis l'homme le plus impassionné qui existe. Parce qu'il vient un point où tu n'as plus besoin de passion pour te sentir réel. Parce que quand tu es inconscient, tu as besoin de la passion, de la passion pour te sentir existentiellement. Mais quand tu fonctionnes réellement, tu n'as plus besoin de passion. Les autres, ils disent que la passion, c'est le péché de l'homme. Pas nécessairement dans le sens moral du terme. Quand ils disent passion, péché de l'homme, ils veulent dire dans le sens de faiblesse de l'homme. C'est la passion qui empêche l'homme d'être cosmique. Mais l'homme devait passer par ses étapes d'évolution. C'est dans sa passion qui est dominée, puis c'est dans sa passion qui domine. C'est fort la passion, ça va très loin. Regarde les idéologies dans le monde, l'idéologie communiste, comment c'est puissant. Les sentiments religieux qui tirent sur le fanatisme, que tu retrouves dans les pays d'Arabie, Kadhafi, etc. Watchez-les bien, Kadhafi, c'est un coca. Il était au bout. Lui, il va te revirer le monde à l'envers. Ça sera pas long. Ouais. C'est tout de la passion. Ça se rationalise pas de la passion. Ouais, mais la période de confusion fait partie de la période qui vous permet d'en arriver à ne plus être confus. Vous êtes obligé de vivre la confusion. La confusion, c'est le contraste entre votre conscience qui grandit et la conscience ancienne. C'est normal que vous viviez une période de confusion. Mais éventuellement, vous êtes plus confus. Il vient un point que... Ouais, quand, si vous êtes intelligent, là... Ouais, si vous êtes intelligent, vous vous accommodez et vous prenez le meilleur de la situation. Tu prends le meilleur de la situation. Faut que tu vives, faut que tu travailles, faut que tu fasses. Quand je vous dis, moi, que vos jobs un jour, même si vous avez des grosses positions aujourd'hui, vos jobs un jour, ça sera simplement un véhicule pour vous amener de l'argent dans les poches. Regardez bien ce que je vous dis là. Il n'y aurait plus de statut rattaché à vos jobs, il n'y aurait plus de... Le statut vous facilitera la vie, d'accord? Mais il n'y aura plus de statut personnel rattaché à votre job. Le statut sera bien plus quelque chose que les autres verront en relation avec vous, puis ça, ça vous permettra de vivre une vie plus facile. Mais je suis sûr, oui, que le Dr Arbeck n'est pas payé dans le statut d'être médecin. Désengagement de l'ego. Mais lui, au moins, ça lui permet de travailler puis faire un travail qui est rémunérateur puis qui convient à sa personnalité et son tempérament. Ainsi de suite. Donc, éventuellement, la job, elle sert simplement à nous permettre de vivre parce que c'est pas naturel. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. L'homme, le fardeau de l'homme sur la terre, c'est le travail. Le fardeau de la femme sur la terre, c'est de mettre au monde des enfants. Et c'est seulement dans l'ère nouveau que le fardeau de l'homme et le fardeau de la femme sera soulevé de leurs épaules. Alors, c'est important que les hommes comprennent ça, que les hommes vivent leur fardeau, puis les femmes vivent leur fardeau, mais intelligemment. Une fois que tu es conscient, tu commences à être intelligent. Fait que si le gars faut qu'il travaille, d'accord, ben arrange-toi pour travailler pour que ça fasse ton affaire. Puis si tu fais des enfants, t'es fait pour faire des enfants, ben arrange-toi pour en faire autant que tu veux, mais pas plus. Ok, oubliez pas, hein, parce que moi, il m'a fini dans la poubelle. C'est pour ça qu'ils disent que c'est très difficile d'être intelligent sur la Terre. C'est ce qui est le plus difficile d'être intelligent sur la Terre. Très difficile d'être intelligent. Puis accéder à l'intelligence, c'est accéder à cette énergie-là. Puis c'est très difficile parce que notre corps émotionnel, notre corps mental, il est bloc, puis bloc, puis bloc, puis bloc, puis bloc. C'est pour ça qu'on doute, puis on a des inquiétudes, qu'on n'est pas sûr, patati patata, jusqu'à temps qu'on devienne sûr d'être sûr, puis qu'on devienne des rocs. Quand t'es un roc, à ce moment-là, tu bouges plus. Tout bouge, mais toi, tu bouges pas. Mais l'homme doit apprendre à pouvoir vivre sans passion et à ne pas s'attrister s'il perd un peu de cette passion qu'il avait avant. C'est normal. Je vous le dis, quand ça se produira, bien, au moins vous ne paniquerez pas. Parce que l'homme investit tout sa vie dans la passion quand il est inconscient. Il investit toute sa vie dans la passion. Les femmes sont plus aptes à souffrir de la perte de la passion que les hommes, justement à cause du fait que la passion de la femme est liée à l'émotif. L'émotif est un centre d'énergie qui répond moins à l'intelligence que le centre mental, parce que ce n'est pas un centre d'intelligence, l'émotif, c'est un centre de perception. C'est dans le mental qu'on a un centre d'intelligence, puis ce mental-là, lorsque la femme se conscientise, elle se développe, et éventuellement, elle a accès à son centre d'intelligence, de sorte qu'après ça, bien, elle peut comprendre ce qui se passe au niveau de l'émotif. Mais il faut qu'elle soit dans son intelligence pour comprendre ce qui se passe dans l'émotif. Alors, la passion pour l'humanité, c'est un cul-de-sac. Et quand on n'est pas dans l'intelligence, qu'on n'est pas intelligent et qu'on commence à se spiritualiser à l'énergie, parce que c'est la phase première chez les gens qui ont des expériences quelconques et qui se spiritualisent à l'énergie, à ce moment-là, ils perdent aussi de la passion. Mais pour eux, c'est normal. C'est bon. Et ils ne la perdent jamais complètement, cette passion-là. Alors, ils ont toujours un petit quelque chose en arrière. Les grands mystiques, par exemple, qui voulaient perdre la passion, puis qui voulaient perdre la passion, ils disaient tout le temps, ils ont toujours un péché dans la tête. Il y a toujours un autre petit péché qui vient. Toujours un petit péché. C'est fatigant, ce petit péché qui vient tout le temps. Alors, la passion, ça se détruit complètement par l'énergie. Mais il faut qu'on soit dans l'intelligence de l'énergie pour qu'elle soit totalement, pour qu'elle disparaisse complètement. Si elle s'attaque simplement au corps astral, à ce moment-là, la destruction de la passion amènera l'homme à un état mystique. Mais ça sera une autre passion. C'est un petit désir qui fait lui aussi partie de la passion. Ouais. Tu sais, on parle souvent de la grande passion des saints pour le Christ, pour la Vierge, ainsi de suite. C'est une passion. Quand tu te fais narquer ça, tu veux qu'il ne te reste plus grand-chose. Puis la passion de la spiritualité pour ceux qui la vivent, bon. C'est pas facile parce qu'ils sont obligés de vivre un choc vibratoire sur le plan d'une forme qui est extrêmement élevée en vibration, mais qui fait toujours partie du domaine de l'astral dans l'âme. C'est pour ça qu'ils disent que ceux qui passeront à l'éthérique sont totalement sans passion. Il n'y aura aucune passion en eux. Parce que la passion automatiquement bloque l'énergie du rayon, et lorsque l'homme passe d'un plan à un autre, cette énergie-là doit passer parfaitement. Alors, s'il reste de la passion dans l'homme, il ne peut pas passer à l'éthérique. Alors, automatiquement, il est obligé de mourir. Il est obligé de vivre la mort du corps physique. Mais au moins, il a l'avantage d'avoir conscientisé son esprit, puis lorsqu'il arrive au bord, il est plus prêt à revenir dans une autre incarnation pour continuer son évolution, pour en arriver au même stage. Mais il y en a qui passeront au moins dans cette vie-là, à cette haute étape de l'évolution, où l'homme sera totalement un canal à l'énergie. Vivre sans passion sur la Terre, c'est pas facile parce que sur la Terre, tout attire l'homme vers la passion. Tu regardes des films, Il y a de la passion. Toutes sortes de passions. La télévision, il y a de la passion. Les gens qui excellent dans certains domaines, il y a de la passion. Puis toi, tu te retrouves à rien faire. Ça, c'est tough pour l'ego. Alors, le prix de la conscience est très élevé. Définitivement très élevé. C'est pour ça que je dis, ceux qui ont quelque chose, ceux qui ont qui aiment leur travail, qui ont des boutiques ou des magasins ou je sais pas quoi, mais... gardez-les parce qu'au moins vous travaillez pour vous-même, vous êtes votre propre boss. C'est le maudit avantage d'être son propre boss quand tu deviens névrosé. Éventuellement, travailler pour un autre, ça devient très difficile parce qu'éventuellement, tu vibres tellement, tu sens tellement l'ego que tu vibres pour un autre. Si moi, il y a un moment de travail, mais c'est un choc, pour automatiquement, soit tu perds ta job, ou lui ou ben. La passion spirituelle, c'est un des aspects subtils du raffinement de l'âme qui emprisonne l'homme dans l'énergie de l'âme et qui empêche l'homme d'atteindre les plans plus subtils des mondes invisibles, en dehors de l'astral. L'homme doit sortir complètement éventuellement des mondes de la mort. L'homme ne doit plus être atteignable, ne doit plus être attiré par les mondes de la mort. Et pour qu'il ne soit plus attiré par les mondes de la mort, il est obligé de détruire tout en lui qui restreint son accession au rayon. Parce qu'on parle de l'énergie puis du rayon. Parce que il y a tellement de choses à dire que je suis obligé d'enchevêtrer une chose sur l'autre. Il y a une grosse différence entre le rayon et l'énergie. La vibration du rayon, le mouvement du rayon, la pulsation du rayon crée l'énergie. Et l'homme, éventuellement, un jour, doit être totalement en relation parfaite avec le rayon, de sorte que l'énergie qui est libérée par le rayon dans ses corps, c'est cette énergie-là qu'il se servira pour travailler. Mais le rayon, c'est la connexion entre le cosmique et l'homme, c'est la connexion entre l'intelligence, la volonté et l'amour cosmique et l'homme, autrement dit, la connexion entre les principes universels et l'homme. Et les principes universels, ça va très loin. Je m'en parlais un petit peu, là. On va commencer par le phénomène de l'intelligence. De l'intelligence, ce n'est pas intelligent. De l'intelligence, c'est une énergie. La manifestation de cette énergie-là, après la vibration du rayon, crée dans les principes récepteurs de cette énergie-là ce qu'on appelle de l'intelligence. Fait que le principe de l'intelligence, ce n'est pas un principe absolu. C'est l'intelligence qui est un principe absolu. Mais ce qui est derrière l'intelligence, est une énergie qui est parfaite dans ce sens qu'elle est universellement distribuée dans l'univers. Elle est tout partout dans l'univers, cette énergie-là. Elle rayonne tout partout dans l'univers. Et il faut qu'elle soit reçue par des cerveaux, il faut qu'elle soit reçue par des centres d'énergie. Que ce soit la matière, ou la plante, ou l'animal, ou l'homme, ou le surhomme. Il faut qu'elle soit reçue. Et quand elle est reçue, il y a manifestation de cette énergie-là sur les plans, et on appelle ça de l'intelligence, parce que le mouvement de cette énergie-là est tellement parfait qu'il crée automatiquement des conditions d'évolution de la forme. Et lorsqu'on regarde les conditions d'évolution de la forme avec nos yeux d'homme conscientisé ou conscient ou inconscient, on s'aperçoit qu'il y a de l'or dans l'univers. Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire, de l'or dans l'univers? De l'or dans l'univers, ça veut dire l'approximatif, l'approximatisation constante et continue et permanente de l'infinité de l'énergie. À l'infinité de l'énergie dans son approximativation, dans son processus de rendement des plans les plus élevés vers les plans les plus bas, crée des conditions tellement irréductibles, tellement hors des probabilités, qu'on appelle ça, nous autres, de l'ordre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a de l'intelligence dans l'univers. Mais lorsque l'homme sera dans l'éther et que l'homme verra les êtres qui travaillent dans cette énergie-là et qui manipulent cette énergie-là, il verra que ce sont ces êtres-là qui dirigent vers l'homme le rayon. Et chaque être, chaque ajusteur de pensée qui est dans l'homme dirige cette énergie-là vers lui. Et l'homme, quand il dirige cette énergie-là vers l'homme, on s'aperçoit qu'il y a un rayonnement entre lui et l'homme. Et lorsqu'il veut fusionner avec l'homme, il se promène sous ce rayon-là, puis il se matérialise dans l'espace où l'homme est. Alors, le rayon, dans le fond, est simplement un transport pour cette énergie-là. C'est un transport. Et ces êtres-là peuvent se transporter dans ces rayons-là. Et ces êtres-là sont prépersonnels, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à aucune hiérarchie, mais ils constituent la hiérarchie. Ils n'appartiennent à aucune hiérarchie parce qu'ils sont totalement dehors du temps, mais ils constituent la hiérarchie parce que l'homme les regarde toujours de bas en haut. Et lorsque l'homme regarde l'univers de bas en haut, il est obligé de graviter vers ces plans subtils de la réalité-là. Et dans son mouvement vers là, il s'aperçoit qu'à certaines étapes, il y a des êtres plus ou moins capables ou qualifiés d'absorber cette énergie-là. Et c'est ça qu'on appelle la hiérarchie. Mais aussitôt que l'homme tombe dans les espaces célestes, à ce moment-là, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y en a plus de hiérarchie. Mais il y a des conditions de service qui diffèrent, il y a des conditions d'activité qui diffèrent, mais il n'y a plus de hiérarchie. On a parlé des hiérarchies angéliques parce qu'on a toujours perçu ces êtres-là à travers notre conscience astrale très, très, très, très haute. Mais lorsque l'homme tombe dans le mental pur, il n'y a plus de hiérarchie parce que ces êtres-là, l'homme s'apercevra un jour qu'ils font partie de l'homme. Et lorsque l'homme réalisera que ces êtres-là font partie de l'homme, l'homme commencera à comprendre le mystère de l'intelligence et le mystère de la tombe dans l'homme. Et quand l'homme comprendra le mystère de la tombe dans l'homme, il verra que l'intelligence est partout dans l'univers et que l'intelligence est à tombe. Alors, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est la tombe. La tombe est l'intelligence. Et quand l'homme sera dans l'intelligence de son intelligence, c'est-à-dire que quand l'homme sera capable de se servir à volonté de l'énergie, de pouvoir laisser canaliser en lui l'énergie à volonté, à ce moment-là, l'homme réalisera que ce qu'il permet, dans le fond, c'est que tous les atomes dans ses principes matériels, vital, mental, émotionnel, et ainsi de suite, sont en harmonie les uns avec les autres. Et quand les atomes dans l'homme sont en harmonie les uns avec les autres, l'homme est capable de passer d'un plan atomique à un autre et se dématérialiser ou se matérialiser, ou d'immortaliser son corps matériel pour continuer plus longtemps sur un plan à travailler quelconque évolution. Alors, l'intelligence, c'est l'atome. L'atome, c'est l'intelligence. Mais comme on est des hommes et qu'on pense, et comme on a des passions dans l'esprit, comme on a des passions dans l'émotionnel, c'est les passions dans notre esprit et dans notre émotion qui nous empêchent de réaliser les mystères de l'intelligence. C'est ça qui nous empêche de comprendre que toute finitude est interminée tant que l'homme n'est pas complètement composé de la conscience de l'intelligence de ses atomes pour qu'il puisse éventuellement restituer dans le cosmos, à l'échelle de son organisation plus évoluée, la même matière qui, au début, a constitué les principes dont il est fait. C'est là que l'homme comprendra les mystères de l'évolution, que l'homme avancera. Blablabla. Sacrément. C'est ça, ça va loin. Puis dans le fond, ça va nulle part. Ça va loin parce qu'on pense. Mais ça va nulle part parce que c'est tout là, anyway. Alors, le phénomène de la passion, pour nous autres, le comprendre, ce phénomène-là, c'est important, c'est essentiel. Et on ne doit pas se décourager quand on s'aperçoit que la balloune nous se dessouffle. Parce que c'est normal. La plus grande réalisation que l'homme puisse faire, dans la vie, sur un plan ou sur un autre, c'est la réalisation que pour être, il ne faut pas être. Conscient de soi. Pour être, il ne faut pas être conscient de soi. Il faut être dans la conscience. Ça veut dire bien des affaires, être dans la conscience. Être dans la conscience, ça veut dire être en dehors de la conscience de soi. Être dans la conscience, ça veut dire être dans l'intelligence de l'atome en soi qui se manifeste sur le plan du mental, qui se manifeste sur le plan du corps astral, qui se manifeste sur le plan du corps vital, qui se manifeste sur n'importe quel plan de l'homme, les centres de pénétration de l'énergie. Être conscient, ça veut dire être capable de réaliser et de comprendre instantanément tout ce qui est compréhensible. Être conscient, ça veut dire être capable d'être totalement être sans limite dans l'esprit. Mais pour que l'homme soit sans limite dans l'esprit, il faut qu'il arrête de penser, il faut qu'il arrête d'être pris dans son image, il faut qu'il arrête de vivre d'une réflexion dans son mental et son émotionnel. Et ce sont ces conditions-là qui déterminent l'évolution future de l'humanité, qui déterminent l'évolution future de l'homme, qui déterminent la science future de l'homme, qui déterminent tout ce que l'homme vivra demain. Mais c'est pas demain qui doit intéresser l'homme. C'est tout de suite que l'homme doit vivre. Et pour qu'il vive tout de suite, mais il faut qu'il apprenne à vivre tout de suite. Mais il ne peut pas apprendre à vivre tout de suite. Il faut qu'il apprenne à vivre graduellement pour en arriver à vivre dans le tout de suite. Puis quand tu vis dans le tout de suite, tu n'es plus intéressé à rien parce que tu es en connexion vibratoire avec le rayon. Et le rayon fait partie de ta conscience, fait partie de ton intelligence, fait partie de ton poids de vie. Il fait partie de ta volonté, il fait partie de ton amour. Le rayon contient tous les ingrédients de la réalité du... Quoi? Du moment universel. Le rayon contient la réalité, toute la réalité du moment universel. Et lorsque l'homme comprendra le moment universel, c'est là que l'homme sortira du moment actuel. Et c'est quand tu sors du moment actuel que tu n'es plus dans le temps. Quand tu n'es plus dans le temps, mais tu n'es plus dans ta personnalité, tu n'es plus dans ta conscience subjective, tu n'es plus intéressé à rien parce que tu es connecté à tout. Et quand tu es connecté à tout, tu fais ce que tu as à faire. Mais l'homme n'est pas prêt à vivre dans le mouvement universel parce que dans le moment universel, parce que pour vivre dans le moment universel, il faut être fusionné. Mais l'homme s'en va vers le moment universel. Mais en attendant, avant d'arriver au moment universel, il faut qu'il puisse vivre le moment de son ego, le moment instantané. Le moment universel, c'est trop vaste pour l'esprit de l'homme. L'homme ne pourra pas vivre dans le moment universel en dehors de la fusion parce que il éclaterait. Il n'y aurait plus rien pour le tenir. L'énergie serait trop forte en lui, alors il éclaterait au niveau émotionnel, au niveau mental, l'homme se suiciderait. Alors l'homme ne peut pas vivre dans le moment universel tout de suite, mais il peut commencer à comprendre l'importance de vivre dans le moment, dans l'instantané, dans le tout de suite. Et quand que l'homme vit dans le tout de suite, mais là, il commence à prendre conscience de l'importance de vivre en dehors de la passion. Parce que quand l'homme commence à vivre dans le moment, mais il commence à se dépassionner automatiquement. Prends un petit break? Je veux continuer dans l'affaire de l'explication de la passion. La raison pour laquelle la passion c'est si fort chez l'homme, c'est parce que la passion est reliée au tempérament et au caractère de l'homme. Et le tempérament et le caractère de l'homme fait partie de la mémoire de l'âme. Et l'âme se sert de la passion sur le plan matériel pour que se manifeste dans l'expérience humaine des expressions d'elle-même à travers le tempérament et le caractère de l'individu. C'est pour ça que les grandes choses qui ont été faites au cours de l'évolution par les hommes qui ont marqué l'histoire, puis les petites choses qui ont été faites par les hommes qui sont pas écrites dans l'histoire, sont directement liées à la mémoire de l'âme de l'individu. Et lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique ou que l'homme commence à vibrer de l'intelligence universelle, la mémoire de l'âme doit être effacée. Et la première chose que fait l'énergie lorsqu'elle descend dans l'homme, c'est qu'elle change la vibration du corps mental inférieur de l'homme et il y a perte de mémoire. Et elle change la vibration du corps émotionnel de l'homme et il y a perte de passion. Parce que dans la passion, même si on dit que la passion, s'il y a deux grandes lignes dans la passion de l'esprit et la passion égoïque, dans le sens qu'il y a une passion qui est liée à l'émotion et une passion qui est liée à l'esprit, la passion, dans la passion, il y a toujours de l'émotion dans la passion. Et lorsque l'énergie descend dans l'homme et commence à enlever à l'homme la mémoire, parce qu'elle change le corps mental, automatiquement, la passion s'affaiblit. Ça, c'est assez difficile à comprendre. Pour qu'il y ait une perte de passion chez l'homme, il faut qu'il y ait une perte de mémoire. Pour qu'il y ait une perte de mémoire, il faut que le corps mental soit changé. Lorsque le corps mental est changé, automatiquement, le corps astral suit. Alors, autant la passion dans l'humanité, dans l'expérience de l'homme, est importante dans la phase de l'évolution, pour l'expérience de l'âme, pour les expériences accumulatives de l'âme, autant la destruction de la passion, autrement dit, la destruction de la forme qui contient la mémoire de l'âme au niveau du mental, doit être annihilée afin que l'homme ne vibre que de l'énergie du rayon en lui et qu'il ne vibre jamais de l'énergie de la forme en lui. Si l'homme est libre de l'énergie de la forme, automatiquement, il vibre de l'énergie du rayon. Là, il y a une nuance que je veux faire. Quand un homme vibre de l'énergie du rayon, il ne vibre jamais pour lui-même. Il vibre simplement, à quelque niveau que ce soit. Mais quand l'homme vibre de l'énergie de la forme, il vibre pour lui-même parce que la forme constitue le matériel, mental ou émotif, dont est fait la passion mentale ou émotive de l'homme. Alors, il y a une relation directe entre la forme dans l'homme, dans le mental et dans l'émotionnel, et la passion en lui. Alors, eux autres, quand ils veulent commencer à changer la vibration de l'homme, quand ils veulent pénétrer sa conscience et lui donner une intelligence supérieure, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont actualiser le mental. Ils vont actualiser l'émotionnel. Et actualiser le mental, pour eux autres, veut dire être présent dans l'esprit de l'homme. Alors, aussitôt qu'ils sont présents dans ton esprit, tu ne peux plus être dans la passion. S'ils ne sont pas présents dans ton esprit, tu es passionné. S'ils sont présents dans ton esprit, tu ne peux pas être passionné parce que tu découvres en toi deux natures. Une nature humaine et une nature cosmique. Et la nature cosmique est tellement évidente à toi qu'elle diminue la valeur de l'énergie de la forme dont se sert la nature humaine pour faire expérience. C'est pour ça que quand tu rentres dans la conscience cosmique, tu ne vis plus d'expérience, tu ne vis que d'actualisation. Et quand tu actualises l'énergie du rayon dans tes principes, tu les actualises en dehors de la forme, c'est-à-dire que tu les actualises en dehors de la passion, c'est-à-dire que tu vis sans passion. Si tu n'actualises pas l'énergie de la forme, à ce moment-là, tu fais expérience de la forme et tu es dans la passion. Maintenant, comme on est habitué en tant qu'homme de vivre avec une passion quelconque de la vie, et qu'on est amené petit à petit à actualiser le rayon en soi, il se produit une chose, c'est que en même temps qu'on perd intérêt à la chose qui est actualisée, on peut la vivre pleinement quand on l'actualise. Comprenez-vous, vous dites? On la vit pleinement quand on l'actualise, mais on perd intérêt à la chose qu'on actualise. C'est un signe, ça. Oui, les bonbons, ça me fait mal au ventre. C'est un signe, ça, à ce moment-là, qu'on rentre dans l'énergie du rayon et qu'on est plus ou moins dans la conscience supramentale. L'actualisation du rayon dans notre vie. Hey, j'ai mal au ventre. Vivre pleinement, c'est. Vivre. Ah, ça c'est intéressant. Vivre pleinement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être dans l'illusion,

Oui, mais pour l'homme qui est pas rendu dans le sixième race, c'est le principe de la question et de la réponse. C'est qu'un... Non, c'est le principe de l'orgueil spirituel, de l'orgueil mental. C'est le fun d'orgueil de vouloir savoir qu'est-ce qu'on était dans le passé. Moi, quand je veux vous donner un choc, je vous dis que t'étais un petit truc en Afrique. Fait qu'à ce moment-là, vous me demandez plus. Dans le fond, ils sont vivants dans la mémoire. À ce moment-là, il n'y a plus de réflexion dans le fond. Tu dis quoi? T'actualises. Bon, automatiquement. Donc, c'est la même énergie. C'est ça. Sauf qu'elle est colorée. C'est ça. Ça vient toujours de l'énergie. Tout le temps. Tout le temps. Il y en a une qui me demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'est de l'orgueil? C'est de la mémoire. De l'orgueil, c'est de la mémoire. Tant que vous avez de la mémoire, tant que vous avez de la mémoire, vous avez de l'orgueil. C'est de la mémoire, de l'orgueil. Soit de la mémoire que tu étais à l'université tout à l'heure, tu as appris des choses, ou de la mémoire, de la mémoire. C'est de la mémoire, de l'orgueil, c'est de la mémoire. Quand... Tu n'as plus de mémoire, tu ne réalises pas nécessairement ce que tu as écrit ou ce que tu as quand tu n'as plus de mémoire, tu actualises ta vie. Tu actualises le rayon. Puis le rayon va te faire actualiser ce que tu as actualisé. Dans l'instantané. C'est comme ça que tu en arrives à débarquer l'énergie. L'avenir, c'est pour ça qu'on arrive à débarquer l'avenir illusoire créé par l'âme pour entrer dans le réel. Wow, ça, c'est intéressant, ça fait là. L'avenir illusoire créé par l'âme, c'est la recherche de l'expérience. C'est maudit, mais... Pour nourrir les mêmes formes. Pour toujours nourrir les mêmes formes, pour toujours maintenir la mémoire vivante, ainsi de suite. Et mauditement subtil, non? Parce qu'elle nourrit les mêmes formes en servant du terre. Parce que passer ou avenir. Ça n'a pas d'importance. Exactement. Exactement. C'est comme ça que tu sors. Exactement. C'est pour ça que. Tu sais, on parle, là, tu m'amènes une affaire, là. Quand tu m'amènes une affaire, moi, je vibre. J'actualise le rayon. Je vibre. Les gens, ils pensent que j'ai tout ça dans le cerveau comme un robot. Je ne suis pas un robot. J'actualise le rayon. Fait que tu parles, je t'écoute. Tu parles. Si j'ai quelque chose à dire. Je vibre. Le rayon vibre. Fait qu'automatiquement, je sais que je sais que j'ai quelque chose à dire. Je sais pas ce que je vais dire. Mais je sais que j'ai quelque chose à dire parce que le rayon est vibre. Je sais, j'ai senti tout à l'heure. C'est ça. C'est le même, ça marche. Fait que là, tu me dis quelque chose, puis s'il vibre fort, ben je trouve ça intéressant, parce que la vibration, c'est vite. Fait qu'automatiquement, moi j'apprends quelque chose, puis toi t'apprends quelque chose. C'est ça actualiser le rayon. Puis c'est pour ça que pour entrer dans l'intelligence, pour vivre de l'intelligence, pour actualiser le rayon, il faut être en dehors de la mémoire. Puis, tu peux, si tu n'es pas en dehors de la mémoire, tu ne peux pas l'actualiser parfaitement, le rayon. Parce que ta mémoire va t'empêcher de vibrer dans les subtilités du rayon dans ton mental, dans ton émotionnel. Il y a une partie de ton émotionnel qui va t'empêcher de dire ça. Ou il y a une partie de ton mental qui va colorer ce que tu dis. Pis c'est pour ça que vous n'êtes pas capable de parler avec le mot juste. De temps en temps, vous l'avez. Mais vous êtes prêt à le maintenir tout le temps. Puis avec le temps, ça vient. Mais avec le temps, vous réalisez que vous êtes de plus en plus dans l'intelligence. Avec le temps, vous réalisez que vous êtes de plus en plus sûr. Puis éventuellement, vous êtes sûr d'être sûr. C'est ça l'actualisation du rayon. Et pour que le rayon soit actualisé, il faut que tu n'aies plus de mémoire. Parce que l'âme, hypothèque toujours. L'âme, elle hypothèque toujours sur les expériences. Ouais. Tout le temps. Tout le temps. Et surtout les expériences qui ne sont pas dictées. Tu sais, quand tu parles de l'avenir puis tu parles de la passé, tu sais, moi, si je parle d'humanité dans 2500 ans, je ne suis pas là, je cite, là. T'sais. Ou je parle du passé, il y a 10 000 ans. L'âme, elle va essayer de faire vibrer l'émotionnel puis le mental pour créer le doute dans l'esprit pour que ne s'actualise pas le réel. Et c'est quelque chose. C'est ça que moi, que le monde aime ça ou que le monde n'aime pas ça, ou que les gens avec Glenn dans les conférences sautent 10 pieds dans les airs quand je dis que l'âme fait partie des forces luciférienne. J'actualise le rayon. Puis si j'actualisais pas le rayon, il n'y aurait pas un homme sans tête qui saurait aujourd'hui que l'âme est luciférique. Parce que ça n'a jamais été dit. Moi, j'aimerais ça que tu parles. Je voudrais que tu parles de